Skyrock avec les frangins toulousains à l'instant, Big Flo et Oli. Et puis attention, attention, ils seront en concert chez eux à la maison à Toulouse. Et c'était pas arrivé d'ailleurs au Stadium de Toulouse depuis Michael Jackson. Ils se produiront le 25 mai 2019. Big Flo et Oli, voilà, une belle fierté, une belle réussite pour les frangins de Toulouse qui vont se produire dans leur stadium chez eux. Les places seront bientôt mises en vente. Restez bien les coups de Skyrock, elles seront aussi à gagner puisque nous sommes partenaires de cet événement. À pas louper, Big Flo et Oli en mai 2019 au Stadium de Toulouse. Il est 10h pile, bonne matinée, bienvenue à vous tous. C'est reparti pour une nouvelle heure de son. À n'importe quel moment, le jeu de Noël peut tomber. Je tiens à vous le dire, il va tomber avant midi. Donc n'hésitez pas de bombarder de messages avec Noël par SMS au 72020. Je vous en parle, on écoute Kanye West et puis Maes juste après. T'écoutes la première radio urbaine mondiale. Skyrock. Urban music. Bonne musique. Yeah. Non, stop. Le 9 et le 3 sur le drapeau. Hé, hey, 9-3 Empire. Hey, si tu savais pas, maintenant tu sais. L'envie à l'empire éternel, on va leur montrer que toutes ces années nous ont pas fait sombrer. J'ai les séparés sous les bombes depuis l'époque des pompes. Tu parles mais tu sais pas sur qui t'es tombé. J'arrive des terres sur le beat, pas de limite. Du style d'esquisse, pas de gimmick. 9-3 dans l'ADN du suprême. Et t'oses encore demander qui s'clinique. On a juste planté les graines gros. Ça a poussé, poussé, poussé. Ça fourmille de partout, ça sent pas des parcours. Ça les pousse à nous écouter. C'est la rue, c'est la rue, ne cherche pas d'éthique. C'est la même vente du quartier mais t'appelles pas les flics. De moins en moins de solo, de plus en plus d'équipes. Nous vise pas le sol, on envoie plein les titres depuis le temps. Qu'on arrache tout, c'est le temps. Je vous avoue que pour nous c'est trippant. Garder la couronne chez nous comme challenge, c'est vrai, ça reste excitant. Celle ça n'est connexion, non, t'étais peut-être pas prêt. Maintenant même le maire connaît le son, je crois qu'ils veulent même daber. 9-3 c'est l'amour, la paix, 9-3 c'est la haine, la paix. Ça fabrique des mecs à part, ça fabrique des Mbappé. L'envie à l'empire éternel, on va leur montrer que toutes ces années nous ont pas fait sombrer. J'ai les séparés sous les bombes depuis l'époque des pompes. Tu parlais, tu sais pas sur qui t'es tombé. Le 9 et le 3 sur le drapeau. Boy, chez nous c'est pas comme les autres. Le 9 et le 3 sur le drapeau. Boy, chez nous c'est pas comme les autres. On arrache ta coupe, on la fêtera pas. Pour ramener à la TS, on n'arrêtera pas. Je vais te refaire une émeute pour une belle capta. Et je me souviendrai de rater ma dernière rapta. C'est dans le petit filet quand on l'a remplacé. Je roule comme les grandes athées avec les petites massas. Plus personne à niveau, je vais m'auto-remplacer. Je viens du 9, Ramika, ça c'est pas tout cassa. Fin de lendemain, je suis bloqué dans les nuits passées. Un mode robot comme l'avenir des petits tracés. Des mutineries à boire, des promos sur la mort. Des ventes de flash, des fusillades à prix cassé. C'est la rue, gros, c'est pas Netflix. Fermez ta bouche, tenez le regard quand c'est Netflix. T'es chaud d'aller au charbon, t'explique en boucle. Fille année sur l'envie et suprême l'icomo. L'envie à l'empire éternel, on va leur montrer. Toutes ces années nous ont pas fait sombrer. J'ai les séparés sous les bombes depuis l'époque des pompes. Tu parlais, tu sais pas sur qui t'es tombé. Le 9 et le 3 sur le drapeau. Boy, chez nous c'est pas comme les autres. Le 9 et le 3 sur le drapeau. Boy, chez nous c'est pas comme les autres. C'est Fianzo, Fianzo, Fianzo et le Nico Mook. Association Casos, Casos, ouais c'est qui tout. This sound is processed by Stereo Tool. Go to stereotool.com. Toujours au quartier, mon là c'est l'ophané. Je récupère le rinté, j'ai vu ce qu'il est condé. Armé comme un palais, dangereux j'en ai pas l'air. Combien manque à l'appel, quand je repense à ma peine. Envoie-moi la mallette, que tes billets violets. Que ta main inhalée, nos jours pour me calmer. Non, personne te connaît, personne te connaît. La madrina, voudrait la bague au doigt. La madrina, voudrait la bague au doigt. La madrina, voudrait la bague au doigt. La madrina, voudrait la bague au doigt. Les flics quoi que je cours dans la tête.

Mesdames, je suis marié, pas de snap, snapchat. Physio, ces mecs sont des mythos. J'ai plein de cousins depuis que j'approche le salaire de Eto. Il est trop tôt pour entrer au Hilton. Laisse-moi danser à la Carlton. On rentre dans le club habillé comme des princes. Fraîche, fraîche, fraîche, en jean ou en pince. Mets-toi bien, ce soir c'est moi qui rince. Si tu danses à la Carlton, danse à la Carlton, danse à la Carlton, danse à la Carlton, danse à la Carlton. Jeffrey, remets-nous des glaçons. Jeffrey, remets-nous des glaçons. Jeffrey, remets-nous des glaçons. Jeffrey, remets-nous des glaçons. Jeffrey, deux secondes, laisse passer mes gigoteurs. Belle chemise à la Biggie, une coupe qui sort de chez Fab Barbershop. Oui, les gigoteuses aiment les gigoteurs. La classe ne fait pas le boule, mais le boule fait la classe, mesdames. Jeffrey, mets les douces en ligne. Et on danse à la Carlton. Danse à la Carlton. Danse à la Carlton. Oui, danse à la Carlton. Gigote. Du rap et du R&B. Hip hop and R&B. Skyrock. Oui, mais pas mon rêve, exactement les bras. Rien que ma petite fille qui me court dans les bras. Si je te vends mon âme, je te la vends dans l'état. La vie n'est qu'une escale, fils de pute, envole-toi. Avant que t'appelles au secours, l'honneur on te l'enlèvera. Il n'y a que ma petite fille qui me court dans les bras. Rochette, mouton, t'es noir, place à mes lèvres, t'as. A pas de piston, t'es noir, sur le Beretta. Elles sont faites contre nous, donc on enfreint les lois. On fait rentrer sur les ballons, sinon fait que parler de toi. Portes sont fermées, chat noir passera par les toits. En France comme dans l'arche, Nexer, Negret, t'as les droits. Si tu fais des marmots, pense à être là. Sinon, crache dans leur maman, pense pas à l'être. Libérez-moi ces bites, prends leur maître à l'entrejambe, c'est pas la taille de ma bite, c'est le 9 mm. Bang, bang, bang, t'es pas de la tête aux pieds, en vrai je m'arrête à la schneck. L'argent ne fait pas le bonheur, le bonheur rempli par l'assiette. La vie m'est pas mon rêve, y'a que ça que tu m'enlèveras. Y'a que ma petite fille qui me court dans les bras. J'rappe comme Bruce Lee, Manil Schlass. Blanche reste ma paire de Stanislas. Bâtard, tu es quoi que tu fasses, Dieu ne t'a pas attribué de race. Bulbi, Amy, Amy, Vice. Je suis tellement loin dans le VIP, je suis même pas confortable. Réputé insortable, 800 mètres carrés, habitable. Bitch, tabac avec le diable. Je suis Copcor, Léon, Felipe. On se tire dessus, ne donne plus de job. Niquer des darons, c'est l'idée. Ils pensent Afrique, ils pensent soleil. Je pense au Nexe, Amistad. Mes petites filles, vivre à ton époque est une époque formidable. T'as beau t'appeler Tony M, Mani lui met dans le thème. Coupé, décalé, tchétchène, arme d'Ukraine. Sur la poitrine à Ultrême. Sur un banc, en tenant dans ma main tes petits doigts de femme. Tu me laisses croire que Dieu est grand. Je compterai pour toi plus jamais pour des kilogrammes. Je n'ai plus de love pour aucun. Fuck toutes ces billets, je sais que tu en fais me rappeler d'une. Ton rire ouvre la mer en deux. Repeins le quartier d'un bleu dans bleu, tu es ma lune. Tout ira bien. Car sans eux je ne suis rien. Rien. Sans eux je ne suis rien. Je ne suis là que pour eux. Rien d'autre. Le reste vaut pas la peine. Je perdrai tout pour lui. Ne passerai ferai jamais de l'amour à la haine. Here we go. Rap et R&B. Non-stop. Come on. Non-stop. Skyrock. Trust me. Tu me parles 1005, 1006, 1007, de quoi tu me parles 1007, 1008, 1009, de quoi tu me parles. let these bitches know, nigga. Queens, we met her on that beach, so it's not nice. So she got that wet, got that JoJo, got that super soak. I hit that, she a Fifi, honey, Kiki. She eat my dick like it's free. I don't even know like why I did that. I don't even know like why I hit that. All I know is that I just can't wipe that. Talk to her, so she won't fight back. Turn around, hit it from the back. Mess her down, then I make it clap, clap, clap. I don't really want no friends. I don't really want no friends, no. Draco got that kickback. When I blow that, they all do track. They don't shoot back. One shot, close range. Right down, head tight. Yeah, I did that. Yeah, I left that. Call a Uber with my shooter. We the Ruger. We gon' do your nigga city. Killing people, but I really fucking do it. I don't really want no friends. He tryna 69 like Tekashi, call him Papi, worth the ASAP, keep me rocky. I'm from New York, so I'm cocky. Say he fucking with my posse, caught me Chloe like Kardashian. Keep this pussy in Versace, said I'm pretty like Tinashe. Put it all up in his face, did I catch a case? Pussy gang just caught a body, but I never leave a trace. Face is pretty ass for days, I get chips, I ask for lace. I just sit back and when he done, I be like, yo, how to taste? Yo, how to taste? I don't really want no friends. I don't really want no friends. Hey, yo, Draco got that kickback. When they kick back, you can't get your shit back. In fact, it's that bitch that I hate small talk. I don't fuck with your chat. AC just stopped working, so they hit me. Told me, bring my wrist back. I'm through rockin' fashions that got all these bitches like, yo, what's that? Like, yo, what's that? Like, yo, what's that? I don't really want no friends. I don't really want no friends, nah. Eeny, meeny, money, moe. I catch a hoe right by her toe. If she ain't fucking me and Nikki, kick that hoe right through the door. Anyway. I don't really want no friends. My old hoe just bought this Benz. Nikki just hopped in the shit. Now I won't see that bitch again. Eeny, meeny, money, moe. I catch a hoe right by her toe. If she ain't fucking me and Nikki, kick that hoe right through the door. Anyway. Young money, young money bunny, colorful hair, don't care. I don't really want no friends. I don't really want no friends, no. I don't really want no friends. I don't really want no friends, no. Rap and R&B. Nah, aleluya, aleluya. Hermano Sopran Baba. Hermano Shaoela. Yeah. J'suis toujours resté le même, j'suis toujours resté le même. Je suis toujours resté franc, oui, comme ma première sacelle. Faites au-dessus de la mêlée, je ne sais pas m'arrêter. Je sais que je devrais en laisser, mais bon, je ne sais que les dresser. Car j'ai ça dans l'ADN. Non, je ne sais pas faire autrement, je ne sais pas faire doucement. Je les entends me tailler, normal, on taille que les diamants. J'ai dû hériter de la baraque de mon voisin Zinedine. À la baraque, il y a une décennie de trophées, mais que des retournés à la Gareth Bale. Les baffes, leur donner le tournis quand tombent les tout derniers chiffres. De leur carrière, j'ai pas tourné la page, mais j'ai plutôt fermé le livre. Mélanger les styles et les genres depuis tellement d'années qu'ils n'arrivent plus à suivre. Donc obligé ce soir de leur expliquer ce qui leur arrive. Viens, zoom, zoom, zoom, comme Diego dans la Bombonera. Savastano dans la Scampia. On vient rentrer dans la leyenda. Ah, c'est Yézoum, zoum, zoum. Comme Diego dans la Bombonera. Comme Savastano dans la Scampia. On vient rentrer dans la leyenda. J'ai tout pris dans la bijouterie. J'ai pas laissé mon ADN. Ah ouais, ah ouais. Me demande pas le juste prix. Le bail c'est de la frappe, tu peux. Ah ouais, ah ouais. Méchant, méchant comme Marseille ou Chicago. Platin au plomo, tous les jours je vais péter le magot. J'ai toujours un flic dans la wagon. Bye bye, bye. Chiant, Vita, Vexo, Prato, t'es dans l'ombre. La cité, la cité. Chiant, quand les flics au pâte, on a dit mon nom. La cité, la cité. Toto, Rina, c'est Pequeno. Au Brasil. Fodes, Caray, Pobre, Chico. Cocaïna. Ah, jamais on trahira la Honda. Pour de l'oseille ou bien des nanas. Jamais on trahira la Honda. Zoom, zoom, zoom. Comme Diego dans la Bombonera. Comme Savastano dans la Scampia. méchant. On vient rentrer dans la légende. Ouais, ouais, ouais. Ah. Viens rentrer dans la légende. Ouais, ouais, ouais. Ah.